Et bonjour et bienvenue pour mon humble avis sur la mini-série documentaire Brown GP, l'histoire impossible de la F1, diffusée sur Disney+, depuis le 15 novembre 2023. Parfois, la réalité dépasse largement la fiction. C'est pourquoi Keanu Reeves propose de nous plonger dans l'impossible histoire de l'écurie Brown GP durant la saison 2009 du championnat du monde de Formule 1. Ceci à travers une mini-série de 4 épisodes, d'une durée environ d'une heure chacun, diffusée sur Disney+. Toutefois, contrairement à la série Netflix Drive to Survive, qui tend à déformer les faits pour créer du spectacle, cette série documentaire offre une retranscription plus fidèle des événements, tout en nous présentant des perspectives que nous ne connaissions peut-être pas jusqu'à présent. S'il est évident que les passionnés de Formule 1 se sont probablement déjà précipités sur la série pour revivre cette incroyable histoire, je pense que même pour ceux qui ne portent pas d'intérêt particulier à la Formule 1, cette série mérite d'être vue. Car elle résume plutôt bien ce qu'est réellement la F1, même aujourd'hui, un sport d'équipe où se conjuguent les performances des pilotes, les stratégies, le génie des ingénieurs ou encore le travail des mécaniciens. C'est également une révolution technique constante, une aventure humaine à toutes les échelles, mais aussi un business dans lequel naviguent des loups qui sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts. De plus, la série réussit à expliquer avec simplicité et efficacité certaines subtilités techniques, réglementaires et politiques de la F1. Par ailleurs, c'est une série suffisamment bien mise en scène pour nous offrir son lot d'anecdotes et de moments émouvants. Keanu Reeves, quant à lui, apporte une petite touche de légèreté, notamment lorsqu'il s'adresse aux différents intervenants du documentaire, et contribue à mettre en lumière leurs différents points de vue sur les événements. Enfin, il est à noter que l'histoire de Brown GP reste bien évidemment le tronc central de cette série. Il est donc normal de ne pas avoir un aperçu complet de la saison 2009. En conclusion, cette mini-série documentaire mérite d'être visionnée, tout autant par les fans de F1 que par le grand public. Pour ma part, je dois bien avouer que voir certaines personnalités fortes telles que Christian Horner, Luca di Montezemolo et même Ross Brom s'exprimer n'a pas manqué de me faire esquisser un sourire plus d'une fois, avec une mention très spéciale pour l'increvable Bernie Ecclestone.